Ça n'est pas sincère, Annecy là c'est pire. Ça n'est pas sincère, Annecy là c'est pire. Ça n'est pas sincère, Annecy là c'est pire. Ça n'est pas sincère, Annecy là c'est pire. La 80 yo de l'homme est moins wa. Wa coupé, wa. Yo passe pas ce si t'as pas fait pour ça. Wa coupé, wa. Moins c'est grand monde. Yo pas penser si n'a pas fait bon ça. Allons tonton Djouga oh. Bon tonton comme ça oh. Yo pas penser si n'a pas fait bon ça. Yo pas penser si n'a pas fait bon ça. Yo pas penser si n'a pas fait bon ça. Yo pas penser si n'a pas fait bon ça. Allons tonton Djouga oh. Bon tonton comme ça oh. Yo pas penser si n'a pas fait bon ça. Yo pas penser si n'a pas fait bon ça. Acceptez-le. Pas vle prendre des bêtises dans le royaume. Pas vle moudi bêtises dans le royaume. Coupez-moi ça. Sec. Coupez-moi ça. Sec. Coupez-moi ça. Sec. Coupez-moi ça. Sec. Coupez-moi ça. Sec. Kébé. Wapik pas fait peur. Wakébé. Wakeb pas fait peur. Kébé. Wakeb pas fait peur. Kébé. Kao pas fait peur. Kébé. Wapik pas fait peur. Wakeb pas fait peur. Wakeb pas fait peur. Kao pas fait peur. Wapik pas fait peur. Allons tonton Djouga oh. Bon tonton comme ça oh. Yo pas penser si n'a pas fait comme ça. Yo pas penser si n'a pas fait comme ça. Allez passer Cyril. Allez si la c'est pire. Allez passer Cyril. Allez si la c'est pire. Allez passer Cyril. Allez si la c'est pire. Allez passer Cyril. Allez si la c'est pire. Ouais.